À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Au numéro de téléphone 418-276-9595 ou varietélcr.ca. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. On va faire une entrevue avec un gars que j'ai rencontré une fois en personne. C'était au défi. Il avait fait un défi sportif, je pense, à Dolbeau-Mistassini. Dans le temps, il restait à l'Ascension. Il est natif de l'Ascension. Maintenant, oui. Il est rendu à Québec. C'est France Gagné. Salut, France! Hey, bonjour, bonjour à tous. Merci de l'invitation. France, t'es vraiment... t'es allé 4 fois à des Jeux paralympiques. Moi, je trouve que les athlètes paralympiques, malheureusement pour eux, ils n'ont pas le prestige, ils n'ont pas la renommée qu'ils mériteraient. Parce que c'est. Tu sais, on dit qu'un athlète olympique, là, normal, là, je veux pas dire que t'es pas normal, mais c'est ce que je veux dire, là. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de détermination, ça prend beaucoup de. Mais un athlète olympique, c'est encore plus. Avec tous les handicaps qu'ils ont à surmonter, de faire des Olympiques, c'est encore. Moi, je trouve que c'est encore plus important. Et tu les as faites 4 fois les Olympiques. D'abord, je vais parler de ton handicap avant, parce qu'il faut en parler. T'es un non-voyant. T'es-tu un non-voyant de naissance? Ben moi, c'est mon problème visuel, oui, il est de naissance. Puis ce qu'il faut savoir avec les handicapés visuels, on dit qu'on est aveugle, mais en réalité, on n'est pas aveugle, là, parce qu'il y a des catégories. Il y en a qui n'ont aucune perception visuelle. Il y a ceux qui sont à 5 %. Puis moi, je suis quand même chanceux, je suis dans ceux qui ont 10 %, là, dans les alentours de 10 %. Donc, oui, on voit. Tu sais, pour te donner une petite idée, là, c'est que toi, une personne, tu vas la reconnaître à 100 pieds. Moi, je vais la reconnaître entre 5 et 10 pieds. Tu sais, mais je la vois, la personne, à 100 pieds, là. Mais je peux pas la reconnaître, à moins qu'elle parle. Ouais, OK. Mais là-dessus, je te dirais que là, j'arrive à 48 ans, ma vue baisse. Donc, ce que je voyais à 20 ans, là, de loin, je ne la vois plus à 48 ans. Ça doit être la même affaire pour toi. Ça ne veut pas dire que nécessairement que je suis un non-voyant. Hein. Toi, est-ce que la vue baisse? Tu es en train de me dire que ma vision va baisser. Non, mais est-ce que ta vue baisse pareil ou tu vois bien qu'à 20 ans? Non, pas aussi bien, aussi mal. Aussi mal, ouais, je veux dire. J'aime ça de taquiner. Ouais. Mais ta vue, as-tu baissé comparativement à 20 ans? Je vais mieux formuler ma question. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Oui. OK. Donc, mais le sport est venu de quelle façon pour toi? Ben moi, étant jeune, je demeurais au Lac Saint-Jean, j'ai joué au football au pavillon Loubard du Four, je suis allé au Cégep à Jonquière, à Chicoutimi, puis pendant mes études, j'ai toujours pas mal fait du sport, puis tu sais, moi pour moi, à cause de mon handicap visuel, c'est sûr que ça a été difficile à l'école, c'est quand tu vois pas au tableau, tu veux jouer au baseball, mais tu peux pas, mais au football, c'était pas pire, parce que la grosseur que j'avais au Cégep à Jonquière, c'était toujours de... Il y avait hâte que je joue avec eux autres. Ah, c'est bon ça. Fait que ça a commencé de même, ton affaire, mais est-ce que t'allais... Ben, ça a commencé comme ça, oui. OK, est-ce que t'allais... Mais là, t'as fait de l'athlétisme, t'as fait le défi sportif, À l'âge de 24 ans, là, j'ai déménagé à Québec, puis j'ai commencé à faire de l'athlétisme, là, avec des gens handicapés ici à Québec, là. Puis, je pense que c'est dans les alentours de l'âge de 30 ans, là, j'avais entendu parler du défi sportif à Dolbeau, là, où il y avait 2 jours d'épreuve, là, sans arrêt, là, où... finissais, tu avais le ventre à terre. Ben oui, ben oui, je me rappelle. Puis je l'ai fait deux fois. J'ai bien aimé l'expérience. C'était vraiment plaisant. Puis les gens de Lebeau sont tellement gentils. Mais t'es venu en. T'as fait du sport, tu t'es classé au Paralympique en athlétisme, je pense, c'est ça? Au lancer du javelot du 10 et du 3 à quelques occasions. Okay. Ouais. OK. Donc, c'est ce goût-là au lancer du javelot est venu comment? Ben, moi, étant jeune, j'aimais beaucoup le sport. Comme je te disais, le sport m'a gardé à l'école. Ça m'a permis d'étudier, puis bon, de quand même aimer l'école. Puis quand j'ai déménagé à Québec, bon, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'athlétisme, qui faisaient du sport. Puis, ben, le lancer du javelot, j'étais quand même assez fort physiquement, puis en forme aussi. Donc, bon, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'athlétisme, puis moi, pour moi, le lancer du javelot, ça m'interpellait plus que d'autres choses. Okay. Puis, parce qu'il faut dire, c'est que les premières années, j'étais vraiment pas bon. Ça a pris plusieurs années avant que je commence à être pas pire, tu sais. Ouais. Je finissais l'année dernière, les premières années. OK, OK. Mais par la suite, donc, j'imagine que t'es arrivé pour aller aux Paralympiques, donc t'as fait des compétitions. Comment c'est arrivé? Ben, j'ai commencé en 87, 87 à m'entraîner parce que, okay. Puis là, j'ai fait des sélections pour aller aux Jeux de Séoul en 88, puis j'ai pas été sélectionné. Donc, j'ai décidé de m'entraîner pendant 4 ans, puis de tenter ma chance pour les Jeux de Barcelone en 92. J'ai été sélectionné, puis je suis allé, puis c'était vraiment plaisant. Dernière journée de la compétition, au lancer du disque, au dernier lancer, j'étais 4e, puis à mon dernier lancer, j'ai bien lancé, j'ai terminé 2e, puis j'étais vraiment content, ça m'a donné le goût de continuer, puis j'ai continué quand même pendant une quinzaine d'années plus tard. Ouais, OK. Ta première Olympique. D'abord, avant ta classe aux Olympiques, est-ce que le Paralympique, c'était, comparativement aujourd'hui, c'était pas ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compétitif. Tu sais, comment tu as réussi à te classer pour ta première Olympique? Les premiers Jeux Paralympiques, ben, comme je disais, là, j'avais fait les sélections pour les Jeux Paralympiques de Séoul. J'avais pas été classé. Puis après, bon, ben, faut que tu fasses des championnats canadiens, des championnats régionaux. Pour donner une idée aux gens, là, moi, j'ai été champion du Québec pendant 12 ans au lancer du disque. Mais ouais. Ça, c'est avec tout le monde, là. Tu sais, monsieur tout le monde. Puis au niveau canadien, j'ai été universitaire. Je pense que j'avais été 7e, 8e. Au Canada. Donc, ça, c'est avec les voyants. Ben, c'est ça, là. Au Québec, là, avec toutes les gens confondus, là, j'étais quand même. Au lancer du javelot, j'avais terminé premier une fois ou deux, lancer du poids quelques fois aussi, mais c'était surtout aux disques que je performais bien au Québec. OK. OK. Donc, comment c'était ta première Olympique? Les premiers Jeux paralympiques à Barcelone, ben, évidemment, c'était extraordinaire. C'est tes premiers Jeux, ça fait 4 ans que tu t'entraînes, puis c'est la dernière journée de compétition. Puis je termine j'avais terminé 2e avec une médaille d'argent. Puis celui qui m'a donné ma médaille, c'était Ron D'Antonio Samarange, là, oui, qui était président des Jeux olympiques, là. C'était vraiment extraordinaire, puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé de continuer, puis de continuer, puis de continuer, puis c'était vraiment un rêve qui se réalisait, là, c'était plaisant. Okay. Arrive par la suite, donc ça a bien été, entre les deux Olympiques, je me dis que tu as fait des championnats du monde, tu as fait tout ça. Ah, j'ai fait 5 championnats du monde, Berlin... En Argentine, oui. Mais la première médaille d'or, c'était au championnat du monde à Berlin en 1994. Okay. Puis les deuxièmes championnats du monde à Madrid en 98 que j'ai battu le record du monde au lancer du javelot. Je l'avais battu l'année d'avant en Italie, mais comme il y avait un vieux record du monde qui devait pas être homologué, moi, ils me l'ont homologué, mais plus tard, après compétition. Ouais, okay. Mais vraiment, sur la piste, le record du monde, c'était en 98. Après ça, je l'ai repassé en 99, en 2000, au jeu de Sydney en Australie. J'avais battu le record du monde pendant la compétition, 2 fois pendant la compétition. Puis au dernier lancer de la compétition, ben il y a un athlète de Taipei qui m'a battu. Okay. Mais c'était quand même une compétition extraordinaire. Donc, ça a bien été. Ta deuxième Olympique? Ça, c'est à Sydney, en Australie, c'était les troisièmes. OK, OK. Donc, ça, ton meilleur souvenir de toutes les Olympiques que tu as fait, c'est quoi? Ben, je pense que ma première, mes premiers Jeux m'ont marqué beaucoup. Juste une petite anecdote comme ça, au premier jeu paralympique, ben, c'était la dernière journée de compétition, puis moi, c'était les dernières remises de médailles. Après ça, il y avait les cérémonies de fermeture des jeux. Puis moi, je m'en vais pour m'en aller au village, fallait que je prenne l'autobus pour aller prendre ma douche, puis revenir pour les cérémonies de fermeture. Puis bon, ben, je prends comme un genre de corridor en dessous des estrades. C'est comme un genre de tunnel, puis là, j'entends pleurer une fille, tu sais, ça m'a marqué beaucoup parce que c'était une athlète du Canada qui pleurait, puis était avec le docteur puis une infirmière, puis elle n'avait pas pu compétitionner parce qu'elle avait fait une crise d'épilepsie 2 minutes avant sa course. Okay. Tu sais, ça m'a fait réaliser que la frontière, tu sais, moi j'arrive avec ma médaille, avec mes fleurs, puis heureux là, comme ça se peut pas parce que tu t'entraînes pendant 4 ans, tu sais, 9 fois par semaine des gros entraînements, beaucoup de sacrifices, puis elle n'a pas pu compétitionner, puis ça m'avait marqué, ça m'avait fait beaucoup de peine, mais ça m'avait fait réaliser que la différence entre la réussite puis pas pouvoir compétitionner, ben la frontière est fragile, puis il faut l'apprécier quand on l'a. Ah, c'est là le respect, c'est incroyable le respect que j'ai envers ces athlètes-là, c'est souvent ça. Puis au fil des ans, France, j'en ai parlé tantôt, les Jeux paralympiques, ça a complètement changé, là. C'est beaucoup plus compétitif que dans le temps, là. Ben, moi, j'écoute, les premières années, là, tu lançais 45 mètres au javelot, tu étais des premiers. Aujourd'hui, tu lances 65 mètres, puis tu n'étais même pas sûr d'être sur le podium. Ouais. Fait que, moi, j'ai quand même été chanceux parce que j'étais dans une période où je performais vraiment bien, puis la compétition n'était pas encore comme elle est aujourd'hui. Il faut comprendre que. Dans le temps, il y avait peut-être 20 ou 30 pays qui faisaient des Jeux paralympiques puis qui investissaient beaucoup là-dessus. Puis là, maintenant, il y en a 50, 60, 70. Donc, il y a des athlètes dans de plus Canada, de pays. Le Canada, là-dedans, soutenais-tu bien ces athlètes paralympiques? Ben, je pense que le Canada termine toujours pas mal dans les 5 premiers là, au niveau du nombre de médailles. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Ça, c'est une autre histoire. Ouais, effectivement. France, si tu permets, on va faire une pause. Et après la pause, ben, je veux te parler d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais maintenant aujourd'hui? Est-ce que tu t'entraînes avec encore? Tu pratiques-tu un sport? Vous avez écouté de notre truc. France Gagné, qui a participé à 4 Jeux paralympiques et plusieurs médailles, une athlète de haut niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-80. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88-276-6102. On est de retour à danradiosport.com. France, est-ce que tu t'entraînes encore? Est-ce que tu fais encore pas mal de sport? Je sais que tu es un homme d'affaires. J'avais déjà fait une entrevue avec toi au cours des dernières années. Tu es rendu à Québec, tu as une compagnie. Mais est-ce que tu fais encore pas mal de sport? Oui, les gens qui m'ont suivi un peu, bon, me savent que après les. Quand j'ai fait les sélections pour aller aux Jeux en 2008, bon, mais j'ai pas fait mon standard par mètre à peu près. Donc là, j'avais commencé à faire la dynamophilie, donc okay. C'était des levées de poids. Pour les gens qui le savent, je fais 600 livres au squat, puis 500 livres au bench press. Puis j'ai même gagné un championnat canadien avec M. Tout-le-Monde. Ouais. Donc ça, c'est une transition. J'ai fait quelques années de dynamophilie, puis en 2008, j'ai commencé à travailler pour... j'ai une formation en administration, et j'ai commencé à travailler pour une entreprise en entretien ménager ici à Québec, qui avait quoi, une vingtaine d'employés. Mm. Puis je fais la comptabilité, tout ça. Puis, j'ai acheté l'entreprise en 2016, puis là, quoi, j'ai une quarantaine d'employés. Là, ça va bien. Même en temps que COVID, ça va bien pareil? Ben, c'est une peine. Nous autres, en entretien ménager, on fait d'entretien ménager dans les écoles, dans les commerces, okay. Puis on n'a plus. Dans les hôpitaux, non, j'ai pas de contrat dans les hôpitaux. Okay. Mais dans les commerces, tout ça, puis tu sais, c'est beaucoup plus de travail pour nous autres, plus de désinfection, ouais. Plus on a des formations en désinfection, puis tu sais, c'est stressant pour les employés, c'est stressant pour nous autres, mais ça nous fait plus de travail. Il faut, écoute, il faut vivre avec la circonstance. Hein. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu diriges encore des jeunes? T'as-tu dans le sport? Est-ce qu'il y a des athlètes, est-ce que par le passé, tu as conseillé des athlètes paralympiques? Un peu, mais pendant ma carrière, pas vraiment. Puis mais après ma carrière. Après ma carrière sportive, j'ai fait un peu de politique. Ah oui? J'étais candidat au Bloc québécois. Okay. À Québec. OK. Puis, j'ai pas gagné les élections. Non, c'est pas grave, ça. Mais j'ai bien aimé mon expérience parce que j'ai étudié en sciences politiques aussi à l'Université Laval. J'ai pas terminé mon bac, mais en tout cas, j'ai fait quand même quelques sessions. OK. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que je pensais en politique, là. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup aider. Je pensais que j'avais ma place, puis bon, mais la situation a fait que j'ai pas continué la place. Il faut savoir en politique, il faut savoir le parti. C'est sûr que moi, je suis un gars qui ne se lancerait pas en politique si ça n'irait pas avec mes valeurs, mais c'est pas nécessairement le cas pour bien du monde, mais ainsi de suite. Ben, France, moi, je te souhaite une bonne année. Beaucoup de santé, ben oui, de bonheur, de prospérité en cette année. Beaucoup encore de contrats. C'est pas mal le fun de voir que tu réussis. Et au plaisir de se parler un autre tantôt, peut-être? Ben, c'est un plaisir. J'espère qu'on va se revoir à un moment donné. Je salue tous les auditeurs, de la santé, du bonheur, de l'amour pour tout le monde. Puis on souhaite d'arriver en 2021 vacciné. Ouais. France gagnée, la tête.